a de longues jambes, lisses et douces comme de la soie. Elle s'amuse, muscalipige, à bouger son petit doigt. Qui aura ses longues jambes, qui caressera ses pieds? Est-ce René, est-ce Alexandre, est-ce Hélène ou Barnabé? Oh mon Dieu, ce qu'elle voudrait pouvoir serrer contre elle le torse de Michel le plombier. Elle et lui encore hier dans la remise d'Hubert se faisaient des colliers pour jouer. Elle pouvait sentir la sueur ruisseler sur leur corps et l'odeur de la graisse à souder. Elle n'a pas pu empêcher au fond de sa culotte une perle de tomber lorsqu'il l'a touchée. Paola, le regard tendre et la bouche pleine de baisers. Pour Suzanne, sœur de Léandre, avec qui pour s'amuser. Elle a ouvert sa corolle sous la douche l'été dernier. Qui aura ses lèvres fermes, qui croquera cette hyène? Demain elle ira chercher le beau cousin Roger pour aller se baigner au Rohu. Dans la cabine sur la plage comme à l'accoutumée, elle ôtera son maillot et son haut. Elle veut derrière son dos sentir cousin Roger pâlir et défaillir de plaisir. Sans doute aura-t-il l'idée, s'il est entreprenant, de poursuivre avec elle ce merveilleux moment. Pas de problème de morale ou de conscience, sans remords elle envisage un déploiement sauvage dans les champs ou dans la mer, que de merveilleux messages. Paola tête en arrière, fesses dans l'air, elle envisage. Elle se sonne et imagine sa vertu comme une biguine. S'envolera cet été, elle sera ses hanches fines. Est-ce Paul ou bien Joanne, Dominique avec Hervé, qui aura ses jambes fines, qui la prendra le premier? Oh.